بسم الله الرحمن الرحيم. من معه المت؟ الله يبارك. طيب من يحفظ المت؟ Qui c'est qui a mémorisé ce qu'on a vu du mat jusque-là? Aïe aïe aïe. بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعل لك مباركا أينما كنت وأن يجعلك مما إذا أعطي شكر وإذا ابتلي الصبر وإذا أذنب استغفر فإن فأن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فاعلم أن يعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ودليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع طهارة. أحسنت. وصلنا عند ذلك الأمر. نعم. فتذكرنا أمس فائدة جميلة حول تحقيق التوحيد، وأن تحقيق التوحيد يكون بالإقرار والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن كل ما يصيب العبد في هذه الدنيا والآخرة من صنيع الله عز وجل لا غير، من خير أو شر. Donc on a vu une parole de l'imam Al-Maqrizi dans son livre Tajrid Al-Tawhid, disant que la concrétisation du Tawhid s'obtient en ayant la connaissance que tout ce qui nous touche, fi hadhihi ad-dunya, comme bien ou comme mal, provient d'Allah Azza wa Jalla. Et cette connaissance, elle prive le serviteur de se tourner vers les causes. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas eu de l'argent? Pourquoi aujourd'hui tu es tombé malade? Pourquoi aujourd'hui tu as été éprouvé de telle et telle épreuve? Tamam? Le hamd qui est avec Allah Azza wa Jal, mouahidan, il faut amrahu ila Allah Azza wa Jal. Il tourne son affaire à Allah Azza wa Jal. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina idha usibatum musibatun, qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Lorsqu'Allah fait l'éloge de ceux qui, lorsqu'ils sont touchés d'une épreuve, ils disent, nous appartenons à Allah et c'est à lui qu'on nous le ferons retour. Et ça, c'est valable dans n'importe quelle épreuve. Que ce soit une grande épreuve ou une petite épreuve, du moment que tu sais qu'elle vient d'Allah Azza wa Jalla, fasbir. Bal, idha kana al-iman ala mustawa fardi. Donc, patiente lorsque tu sais que la preuve qui te touche provient d'Allah Azza wa Jalla. Et que le bien aussi qui te touche, il provient d'Allah. Ça veut dire, si tu sais que ce bien-là il provient d'Allah, alors remercie Allah Azza wa Jal à la main attaq. Et ça fait partie des mukamilat tawhid, des choses qui parachèvent le tawhid. C'est pourquoi vous allez trouver dans Kitab Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab une bab fi al-iman bil-qadar. Alors qu'en général, al-iman bil-qadar c'est évoqué dans les kutub de aqidah. وهذا كتاب في التوحيد وإن كان التوحيد يدخل في العقيدة. مفهوم؟ Pourquoi l'auteur il a évoqué l'iman bil qadar? Parce que ça fait partie des mukammilat, des choses qui parachèvent le tawhid de la personne. نعم. فما ليس هناك على وجه الأرض أعظم انشراح الصدر من أهل العلم وأهل السنة الموحدين. Et vous allez pas trouver sur cette terre des gens dont les poitrines sont plus ouvertes et plus apaisées que les gens de science et les gens de la sunna, ceux qui suivent la sunna du prophète alayhi salatu wa salam et qui font partie des muwahidin. Pourquoi? لِأَنَّ أَمْرَهُمْ كُلُّهَا مُفَوِّضَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Parce que leur affaire à chaque fois il la tourne à Allah Azza wa Jal. In kana khayran fa khayr. Wa in kana sharran fa sabr. Si c'est une bonne chose qui les touche, ils patientent. Comme le hadith. Ajaban li amri al-mu'min. Wa laysa dhalika illa lil-mu'min. In asabahu khayran فشكر فكان خيرا له وإن أصابه ضرر فصبر فكان خيرا له. L'affaire du croyant, comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith authentique, elle est étonnante. Si un bien lui vient et qu'il remercie, alors ceci est un bien pour lui. Et si un mal le touche et qu'il patiente, alors ceci est un bien pour lui. نعم. فثمرت من ثمرات التوحيد هذا الأمر. Fait partie des fruits du tawhid de la personne qu'elle arrive à patienter lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le touche d'une quelconque épreuve. Non. طيب. وقلنا التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام. التوحيد كما تعرفون ينقسم الى ثلاثه اقسام. من يذكرها؟ ها يانيس. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية ما هو؟ إفعال الله بأفعاله. نعم أحسنت. وهذا أسهل التعريفات وأعمها. C'est le fait d'unifier Allah عز وجل par ses actions. Les actions que seul Allah سبحانه وتعالى est capable de faire. Créer. La création. نعم. Faire descendre le risque. Faire vivre, faire mourir. Là, toi, tu unifies Allah Azza wa Jal à travers ses actions. C'est-à-dire, tu dis qu'il n'y a personne qui crée en dehors d'Allah. Il n'y a personne qui accorde le risque en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui fait mourir et qui fait vivre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne qui est al-nafi' wa al-dur en dehors d'Allah. Il n'y a personne qui est utile ou qui cause du tort en dehors d'Allah Azza wa Jal. Tout ça c'est le tawhid al-rububiyya. Mafhoum? Na'am. Amma tawhid al-uluhiyya huwa madha? If'alullah bi'af'al al-ibad. Jamil. C'est le fait d'unifier Allah par les œuvres du serviteur. Ifradullah bil-ibad. Tamam? C'est le fait d'unifier Allah par l'adoration, ou comme a dit notre frère Abu Zakaria, par les œuvres du serviteur. Wa tawhid al-asma' wa sifat ifradullah bima samma wa wasafa bihi nafsah fi kitabihi ou ala lisani rasulihi alayhi salatu wa salam. Et le tawhid al-asma' wa sifat, c'est le fait d'unifier Allah azza wa jal par ses noms et ses attributs avec lesquels il s'est lui-même nommé et affilié. Oui. طيب قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. Donc là l'imam Mohammed ibn al-Arab il dit, si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé dans le but premier ou pour but premier l'adoration, sache que l'adoration ne s'appelle pas comme telle si ce n'est si elle possède ou elle est basée sur l'unicité. Tamam. فكل عبادة أشرك به الله فليست عبادة في اصطلاح أهل التوحيد. Donc toutes les adorations où est rentrée ou a pénétré une forme de shirk, en vérité, ce ne sont pas des choses qui sont considérées comme des adorations chez les savants du tawhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara. Comme la prière ne s'appelle pas prière si ce n'est si elle est basée sur la purification. فالذي يصلي بغير وضوء فلا صلاة له. Sa salat elle n'est pas acceptée. Donc ça sera considéré comme des mouvements yani dépourvus de récompense et de l'acceptation de l'œuvre. نعم. Et ça c'est كذلك ناخذ من ذلك تقريب الفهم لطلبة العلم. L'imam là il est venu avec un très bel exemple pour rapprocher la compréhension aux élèves. C'est-à-dire quand il a dit que l'adoration ne s'appelle pas comme telle si elle ne contient pas de tawhid. Tout de suite après il est venu avec un exemple pour que tu comprennes mieux cette parole là. Il t'a dit, tout comme la prière ne s'appelle pas comme telle, si ce n'est si elle est basée sur la purification. Tamam. Wada uslubun nabawi. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yadrib al-amthal li as-sahaba. Et ça, c'est une manière d'enseigner qui est pris directement de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de donner des exemples afin de rapprocher la compréhension de l'interlocuteur. Tayyib. فإذا دخل الشرك قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Donc le shirk s'il rentre dans l'adoration, il pervertit l'adoration et l'annule. Comme le hadath qui rentre dans la purification. Ou le hadath, c'est tout ce qui annule les ablutions. Tamam. Naam. قال بعد ذلك فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك. Si tu as su que le shirk, s'il se mélange à l'adoration, la pervertit et l'annule et fait de son auteur une personne éternellement vouée au feu de l'enfer, alors tu sais par cela que la chose la plus importante que tu dois de connaître c'est cette chose-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. هذه فائدة عظيمة أن الشخص لا يقول ما أريد أن أعرف الشر ويبتعد ولا يعلم تفاصيل الشرور من شرك أو بدع أو نفاق لأن الذي لا يعلم الشيء يوشك أن يقع فيه. Celui, et là on prend ce passage là qu'il est impératif au muslim de connaître ce qui lui est utile dans sa religion, mais aussi de connaître ce qui peut lui causer du tort, comme le shirk, comme l'innovation, comme l'hypocrisie, comme le kufr, wa ghayr dhalik. وهناك آثر جميل عن حذيفة بن اليمن كان يقول كان الناس يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Les gens avaient pour habitude au temps du prophète صلى الله عليه وسلم de poser des questions au prophète sur le bien, sur les bonnes choses, tandis que moi, c'est-à-dire حذيفة, je posais des questions au prophète sur le mal, les mauvaises choses. Ceci de crainte que je tombe dans ces choses-là. Ça veut dire que celui qui connaît une chose, il peut l'éviter, s'il la connaît. Mais s'il ne la connaît pas, il ne peut pas l'éviter. Ben, au contraire, il se peut qu'il tombe dedans, sans le savoir. C'est pourquoi il faut connaître al-shirk ma hu wal-bida' ma hiya wal-nifaq ma hu wal-kufr ma hu. Tout ça c'est des choses à connaître. On a vu en ce qui concerne le kufr, on a vu une grande partie dans la maqida de l'islam. Là dans ce livre là on va voir une grande partie du shirk. Tamam. وكذلك لابد على المسلم أن يعرف ما هو ما هي البدعة والحزبية وما إلى ذلك حتى يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ وبين السنة والبدعة. نعم. طيب قال لعل الله لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك. Donc si tu sais tout cela, tu sais que la chose la plus importante que tu dois connaître, c'est cette chose là c'est-à-dire avoir la connaissance sur le tawhid et le shirk, car il se peut qu'Allah te préserve de ce piège qui n'est autre que le shirk. الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Cette chose dont Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dehors de cela pour qu'il veut. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Et ceci, tu vas connaître c'est-à-dire le tawhid ou le shirk à travers quatre règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans son livre. Tamam. Al-qa'idatu al-ula. Donc la première des règles. Wa li hadha al-imam ibn Baz il dit que celui qui a étudié ces quatre règles, il est certes devenu clairvoyant sur la religion des musulmans ainsi que sur la religion des mushrikins. فهذا الكتاب جدير بالعناية جدير بالعناية وحري به. Donc ça c'est un livre qui est très important d'étudier et de bien comprendre. Car si parmi les fruits de l'étude de ce livre, ça nous permet de comprendre la véritable religion des musulmans et de comprendre ce sur quoi sont les mouchriquins, c'est une grandeur que ceci. قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. طيب من عنده نسخة غير هذه؟ ايه هات معك ولا ايه ça c'est une version, ça c'est une version. Dans une autre version il dit بأن الله تعالى هو الخالق المدبر المحي المميت ماذا المدبر الجميع الامور ها هات جميع الامور ايه نعم ان الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الامور لم يدخلهم ذلك في الإسلام. Et dans d'autres versions il dit il rajoute النافع والضر والضار هكذا عندك ما عندك طيب على كل حال la première قاعده c'est le fait de savoir que les mécréants que le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu étaient ou reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, seul. Et c'est lui qui dirige l'univers. Mais malgré qu'ils avaient cette reconnaissance ne les a pas fait entrer dans l'islam. Et ça, c'est une qa'ida azima. Qa'ida azima, jiddan. Parce que Alhamdulillah. Parce que vous allez voir que beaucoup de mubtadi'a, kassoufiya, ou rien, yushrikuna billah, fil ibada, wa la ya'rifun, waj, takfirihim iyahum. Ils associent Allah Azza wa Jalla dans leurs adorations, et ils ne voyaient pas par où. Ils sont sortis de l'islam. بل يقولون كيف يخرجوننا من الإسلام ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمحيي والمدبر ونحن ماذا نقر بذلك فهذا الإقرار نقول فهذا الإقرار هو إقرار المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق فإنما العبرة بماذا يا إخوان Al-Ibra, bimada. Qu'est-ce qui importe? Est-ce que c'est le fait que ils prétendent ou ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui accorde la subsistance? Ou bien c'est autre chose? Tu lui donnes son droit, tu lui adores son nom. Naam. La chose importante, c'est qu'ils adorent Allah Azza wa Jalla. C'est ça le but de cette création. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et que quand ils adorent Allah Azza wa Jal, لَا يُفَوِّدُونَ شَيْئًا مِنْ هَذِي الْعِبَادَ لِغَيْرِ اللَّهِ. Et que quand ils adorent Allah, ils ne tournent pas une chose de cette adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal. نعم. فهذا هو مقصود انبعاث الرسل. Ça, c'est le premier but, le but primordial dans l'envoi des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous avons suscité dans chaque communauté des messagers afin qu'ils prêchent et qu'ils appellent à adorer Allah Azza wa Jal et à s'éloigner du طَاغُوت. نعم. مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ أو من رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام كلهم دعوا أقوامهم إلى هذا الأمر الجلل الذي هو توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. فالإنسان لا يكتفي بنداء الناس عن التوحيد. Vous prenez cette muqaddima ou de cette première qaïda, la personne ne se contente pas d'appeler les gens en tawhid. Elle appelle les gens en tawhid wa fi nafs al-waqt yuhadhdhirhum tahdhiran baligan wafiran 'an ash-shirk. Et dans le même temps, il les met en garde contre le shirk. Na'am. Ala kulli hal, ça c'est la première qa'ida. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard am man yamliku as-sam'a wal-absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayt wa yukhriju al-mayta min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dit à ces gens, les associateurs, dis-leur, qui vous octroie votre subsistance en provenance du ciel et de la terre? Et qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Et qui dirige toute l'affaire? Ils te répondront, c'est-à-dire les mushrikines, ils te répondront, c'est Allah. Ils te répondront, c'est Allah. Faqul afala tattaqul. Donc ça c'est un dalil wadih que les mushrikines de l'époque du prophète alayhi salatu wasalam avaient pour habitude ou avaient comme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala était bien, bel et bien, le créateur des cieux et de la terre. Et qu'il était bel et bien celui qui fait descendre le risque. Enfin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous allez trouver peut-être certaines sectes, même des Nasara, qui ont encore cet i'tiqad. Ils vont dire, non, nous, on sait que c'est Dieu le seul qui fait descendre le risque, qui fait descendre le... Limada ma notre ilham fil islam? Li'annahum? Ma aqarru bi tawhid al-uluhiyya. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu le tawhid al-uluhiyya, celui de vouer l'adoration que pour Allah Azzawajal. Même s'ils vont te dire, oui, mais nous, on n'adore qu'un seul Dieu, on va à la messe, on n'adore qu'un seul Dieu. Leur adoration, là, quand ils vont à la messe, hein, elle suit les ordres d'un prêtre, ou d'un évêque, ou d'un quelconque dirigeant. C'est même ce dirigeant-là, il leur ordonne dans leur religion بِغَيْرِ عِلْمِ sans même s'appuyer sur quelque chose de solide. Et eux, ils le suivent. Ce suivi de leur dirigeant, هَذَا شِرْكٌ فِي الطَّاعَ. نعم. À la كُلِّ حَلْ, celui qui ne reconnaît pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul, l'unique, qui mérite d'être adoré, fahada la yadkhul fi l'islam. Même s'il fait la shahada, même s'il salli, même s'il yuzakki, même s'il donne la zakat, même s'il fait le hajj, même s'il fait tous les piliers de l'islam, même s'il fait le jihad, même s'il fait toutes les adorations de l'islam, la yadkhul fi l'islam illa ba'da iqrarihi bit tawhid al-uluhiyya. طيب هناك فائدة. Donc, là, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que les mouchriquins, ils étaient connaisseurs ou ils avaient la conviction, la croyance du tawhid al-rububiyya. Est-ce que les mouchriquins du temps du prophète alayhi salatu wasalam ont associé en Allah Azza wa Jal sur le point de vue du tawhid al-rububiyya? Oui, il y a Abdel. Non. En fait, ils n'ont pas complètement cru le tawhid al-rububiyya, mais une partie du tawhid. Une partie du tawhid al-rububiyya, le chef d'Ali. Par rapport à la pluie. Un tamara. Ils ont associé cela aux étoiles. Aux étoiles. Il y a aussi par rapport quand ils voulaient se protéger, des fois ils mettaient leurs armes sur des arbres, et même des fois ils croyaient en les au-devant, tout ça. Dans les noms et les attributs, mais dans le boubia, ça rentre dans le boubia. Donc toi, tu, par rapport aux noms et attributs, tu penses qu'il y a eu des manquements. Hein? Oui. Ouais, je dis que quand nous mukhlisons fi rububiyya wa mushrikun fi uluhiyya comme a dit le cheikh Fawzan fi sharh adun sharh sharh cheikh Fawzan يقول المشركين كانوا مقرين بالتوحيد الربوبيه كافة أو نحو هذا الكلام. Il dit que ils étaient tous, ils reconnaissaient tous le tawhid al-rububiyya. طيب. Mais cette parole de Cheikh Fawzan, elle n'est pas à prendre dans l'absolu. Pourquoi? Parce que وجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من يعتقد في الأنواء والنجوم. Parce que ça a été prouvé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait des mouchriquins qui associaient en Allah azza wa jal dans leur croyance envers les astres. C'est-à-dire que pour eux, l'astre, c'est lui qui fait descendre la pluie. Inzal al-matar, le fait de descendre la pluie, ça fait partie des particularités de Rububiyya, la seigneurie d'Allah azza wa jal. Ça comprend le risque. Inzal al-risque, inzal al-matar. Ça rentre dans al-rububiyya. Ça rentre dans al-rububiyya. Comme dans certaines versions de Qawain al-Arba'a, il précise, lorsqu'il dit An Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, al-Raziq, al-Muhi, al-Mumit, al-Nafi' wal-Dar. Celui qui est utile. Celui qui. Hein? Waddar, celui qui fait du tort. Ça rentre dans le Tawhid al-Rububiyya. Comme l'a dit Kadhalik Usman, le fait que. Ils attachaient à certains arbres des choses pour se protéger. Des amulettes. Des amulettes ou quoi. Non. Fakullu hadha, c'est une partie d'al-Rububiyya. C'est une partie d'al-Rububiyya. Ça veut dire que quand on dit qu'ils n'ont pas ashrak, c'est d'une manière globale. Mais dans certaines parties, ils ont bel et bien associé en Allah Azza wa Jal, hatta fi rububiyya. Il faut? Non. Et l'imam Ibn al-Qayyim. في مدارس السالكين. Il évoque que, il dit, والمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. Le mushrik, il prend son idole en guise d'idole seulement par rapport à ce qu'il croit seulement par rapport à ce qu'il croit que recèle cette idole comme utilité. Tamam? Et le fait de croire que cette idole, elle est utile ou elle fait du tort, ça fait partie des khasa'is d'Allah Azza wa Jal. Fi rububiyyatihi. Dans sa seigneurie. Tamam? Elle peut protéger ou elle fait descendre le risque. Elle fait descendre le risque ou autre. Ça rentre dans un robobie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de, en évoquant la parole des mouchriquines, dans sourate Al-An'am, sourate des Bestiaux, verset 71, قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا. Est-ce que nous invoquerons en dehors d'Allah ce qui nous est utile et qui peut nous faire du tort? Et dans l'autre verset de sourate Al-Furqan, verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur est utile, ce qui ne peut leur être utile et ne peut leur faire de tort. Enfin, le fait d'être utile, النافع, et le fait de faire du tort, ça c'est des khasa'is d'Allah Azza wa Jal. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'être utile et se faire du tort entre nous, les créatures. Mais que le asl, la base de cette chose, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que si toi tu as eu une utilité par un quelconque par une quelconque créature, ne pense pas que cette utilité qui t'est parvenue, elle vient d'elle, de yani elle débute d'elle. Vous avez compris? Mais elle vient d'Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de cette créature. Tandis que les mouchriquins, eux, ils pensaient que cette utilité vient de cette créature en elle-même de base. Donc ils ont associé en Allah Azza wa Jal dans Tawhid al-Rububiyya. طيب فهذه فهذه الأدلة تدل بوضوح أنهم عبدوا غير الله وصرفوا العبادة لغيره لاعتقادهم جلب المنفعة ودفع المضرة وهذان الأمران من خصائص الربوبية ومن هنا يتبين لك أمران. Et à partir de là, tu vas comprendre deux choses. L'amr l'awwal, husul al-shirk fi al-rububiyya wa wujudah. Tu vas comprendre déjà que il y a bel et bien eu du shirk de la part des mushrikin, même dans le tawhid al-rububiyya. Tamam? Même dans le tawhid al-rububiyya. Et deuxièmement, أن كل من أشرك في توحيد الإلهية الألوهية فقد حصل له الشرك في الربوبية في بعض الجزئيات. Et deuxièmement, que tu saches que toute personne qui est associée en Allah dans le tawhid al-ulouhiyya, elle a associé en Allah aussi dans une partie du tawhid al-rububiyya. Et aussi que tu saches que toute personne qui est associée en Allah dans le tawhid al-uluhiyya, il a également associé dans une partie du tawhid al-rububiyya. C'est le fait croire que la chose adorée peut être utile ou peut faire du tort. Et ça, n'importe quel mushrik, il a la croyance en cela. N'importe quel mushrik, il a la croyance en cela, et ça, ça fait partie du tawhid al-rububiyya. T'as mal? طيب يا إخوة. الآن عرفنا أن المشركين كانوا أغلبهم يقرون بالتوحيد الربوبية بشكل عام. ها؟ Donc on vient de voir que la plupart des mushrikin, ils reconnaissaient le tawhid al-rububiyya. T'as vu? Ils reconnaissaient le tawhid al-rububiyya, comme on a dit, d'une manière globale. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal, il a multiplié les vocations dans son Coran du tawhid al-rububiyya? Alors que il le connaissait, les mouchriquins. C'est vrai? Est-ce que ça mène vers le tawhid al-rububiyya? Parce que ça mène vers la tauhid. Ça va amener à adorer Allah seul. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a multiplié cela? Parce que eux ils reconnaissent déjà cela. Donc ça, et ça c'est une manière de convaincre. Lorsque tu as un débat avec un opposant, parmi les manières de le convaincre, de venir déjà avec une chose que lui, il approuve. De venir avec une chose que lui, il approuve. Et ensuite, de par cette chose qu'il approuve, lui imposer ce que cette chose-là implique. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu avec une chose qu'ils approuvaient déjà. Tawhid al-Rububiyyah. Et ensuite, il les a enjoints à aller vers ce que ce Tawhid al-Rububiyyah, il implique. Si tu sais que c'est lui le créateur, ne va pas adorer autre que lui. Si tu sais que c'est lui qui adore, qui fait descendre le risque, ne va pas chercher cela d'autre que lui. Si tu sais que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, demande la protection. Ne va pas demander la protection autre que lui. Wahakala. Wahakala. Donc le Tawhid al-Rububiyyah, il a été évoqué dans le Coran, khususan, spécialement pour imposer ce qu'il implique. Pour imposer au mushrikin ce qu'il implique. Et le Tawhid al-Rububiyyah, il implique le Tawhid al-Uluhiyyah. Tamam. Wa Cheikh, Mala, c'est quel cheikh déjà ce... Al-Jami, non. Il a évoqué une faïda jamila. Une faïda jamila, je vous la lis vite fait. Ida waqa al-insan fi shirk fi hadayn al-nawain. Donc on a dit, avec le tawhid al-rububiyyah, t'amènes la personne au tawhid al-uluhiyyah. Maintenant tu trouves une personne qui associe en Allah Azza wa Jal dans le tawhid al-rububiyyah ainsi que dans le tawhid al-uluhiyyah. Alors avec lui tu viens avec quoi pour le convaincre? Tawhid al-rububiyyah. يشرك بالله حتى بالتوحيد الربوبية. أسماء وصفات يدخل في التوحيد الربوبية. ها. avec ربوبية كمان. vous êtes pas loin. c'est pas parce que est-ce qu'il rejette tout dans ربوبية. on vient avec ceux parce qu'il y a forcément des choses dans ربوبية qui reconnaît on essaie de Voilà, on lit toutes les paroles et c'est ça en fait. C'est-à-dire, il y a forcément des choses qu'il va reconnaître de Rububiyyah. Mais en fait, nous, la première des choses, comment on va venir vers lui, c'est avec le aql. C'est avec le aql. Ashiya ma'aqoula. Tamam ? Mais en gardant toujours une part de l'appel au tawhid al-Rububiyyah. Parce que normalement, toute personne qui a une prime nature préservée, elle sait qu'il y a un créateur. Elle sait qu'il y a un créateur. Juste avec ça, et le aql, et la raison, tu ramènes la personne au tawhid al-uluhiyyah. C'est ce qu'a évoqué Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Qala, طيب, فإذا وقع الإنسان في شرك في هذين النوعين أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فبماذا نلزمه حيث تقدم أن المشرك ألزم بتوحيد الربوبية على التوحيد الألوهية فإذا وجدنا من يشرك بالله في ربوبيته وألوهيته فما الحيلة قال الحيلة أن ترجع إلى العقل فتذكره من خلقه تمام دونك لي Tu utilises le aql et tu utilises aussi le tawhid al-rububiyya. Ça va ? Donc tu lui demandes qui c'est qui t'a créé. Après il dit "لأن الكل متفقون أن الله وحده هو الخالق، لكن إذا آمنت بأنه الخالق، آمنت بأنه الرازق. فكيف تدعو غيره أن غيره يؤثر في رزقك وفي حياتك وأجلك وينفعك ويضر. Donc il dit, si la personne elle reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le créateur, forcément elle va reconnaître que c'est lui l'octroyeur de risque. Tamam? Juste avec ça, tu l'emmènes sur un autre. Et après, tu vas l'emmener jusqu'au tawhid al-uluhiyya. وهذا إذا كان عقل ذلك الرجل ما زال سليما فإذا كان قد زاغ عن فطرته بالكلية فلا يرجى له قبول. Et donc ce genre de débat il ne peut être bénéfique qu'avec une personne dont sa prime nature elle est encore préservée. Sinon si c'est quelqu'un qui dit moi je crois à rien, il y a pas de divinité, il y a pas de Dieu, personne n'a créé. Déjà, lui, c'est un menteur. Il dément ce qu'il y a dans son cœur. Il y a al-jadal. Mais il dément ce qu'il y a dans son cœur. Ou elle a kullu bani adam ya'rif anna hunaka khaliqun. Donc, ensuite il dit ou al-jahil la yuqaddimu al-dalil idha afhamta bal yasubuk wa yashtumuk. Et ça, prenez ça de ce noble chir, il sait de quoi il parle. Il te dit que le jahil, c'est la personne ignorante, lorsque tu l'as afhamtahu, c'est-à-dire lorsque tu l'as détruit, tu as éteint toutes ces ambiguïtés. Tu as eu le dessus sur lui. Lorsque tu as eu le dessus sur lui, il ne trouve aucun moyen de répondre, si ce n'est par la violence. Si ce n'est par la violence, soit par les insultes, soit par les vulgarités, ou soit en levant la main. Et ça, cette forme de réponse, c'est la preuve de la personne affaiblie. Lorsqu'elle devient violente, lorsqu'elle parle avec. Voilà, fait couliché, ya ikhwata. فالذي يلزم السكينة هو المنصور بإذن الله وأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Combien de versets où Allah subhanahu wa ta'ala il évoque la sakina comme source de victoire pour le prophète alayhi salatu wa salam et pour les croyants. Ça veut dire que quand tu parles avec quelqu'un et c'est toi qui fais preuve de sakina, ta'lam ilman yaqiniyan annaka Mouaffa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a fait réussir déjà sur cette chose, le fait de préserver la quiétude et la tranquillité. Non. Tandis que le fait de s'énerver, de se mettre en colère, d'insulter, de faire preuve de grossièreté ou de venir aux mains, ça c'est la preuve du faible. Voilà, hatta fi nikah, ya ikhwan. Hatta fi nikah. يعني لما يعني تصبح مثلا الخلاف بين الزوج والمرأة فأحسن الخلف الذي يرتفع ويعمل كما عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Le meilleur des comportements n'est autre que le fait de s'éloigner de toute dispute. Comme a fait Ali ibn Abi Talib avec Fatima bint Muhammad. Lorsqu'il a laissé, il est parti à la mosquée. Au lieu qu'il reste et que peut-être il vienne à s'énerver, à se fâcher, à ne pas contrôler sa colère. Bien. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خير لأهلي. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme ou avec les gens de sa famille. وما ضرب مرة واحدة إحدى زوجته إحدى زوجة أزواجه. Il n'a pas frappé le prophète صلى الله عليه وسلم, n'a pas frappé l'une de ses épouses. نعم. فكذلك في هذا الحال الأحسن. On ne dit pas que c'est interdit de frapper la femme, comme on l'a vu dans le dars sur les femmes, qu'il y a des conditions qui permettent cela. Tamam? لكن الأحسن ترك ذلك ولزوم السكينة ولزوم السكينة والأذكار والأذكار. طيب on termine sur une dernière مسألة et on aura terminé pour cette قاعدة. Vous allez voir, là ça va aller vite. On va prendre من قاعدة بعد قاعدة وإن شاء الله الأسبوع الجاي ننتهي من هذا الدرس إذا تيسر. على كل حال المسألة الأخيرة, هل أشركوا, هل المشركون أشركوا بالله في توحيد الأسماء والصفات أم كانوا مقرين؟ Est-ce qu'ils ont associé en Allah les mushrikoun? Est-ce qu'ils ont associé en Allah dans le tawhid et les asma wa sifat? Indak ya Moussa. Allah a'lam. Indak ya Abdullah. وما الرحمة طيب le fait que certaines divinités leur avaient donné des noms mais dérivés des noms là-bas, est-ce que ça peut prouver que non mais ils ont modifié les noms quoi, ils ont modifié les noms. طيب. ils ont associé en Allah Azza wa Jalla, ils ont pas cru au tawhid al asma wa sifat. Par exemple, quand ils ont invoqué des idoles à eux, ils ont attribué des caractéristiques qui étaient propres à Allah. طيب. وقال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن, et eux ils mécroient au Rahman. قل هو ربي لا إله إلا هو. Et ils me croient au Ar-Rahman. C'est le verset combien? C'est le verset de surat Ra'd, verset 30. طيب يا إخوة, لكن أهل العلم, les gens de science, ils disent quoi? Ils disent que هذا النوع من التوحيد أقر به كفار قريش. Les mécréants de Quraysh, ils ont reconnu ce tawhid-là. Le tawhid d'Asma wa Sifat. Non. « وَلَمْ يُجَدْ عِنْدَهُمْ إِنْكَارْ مِنَ الْأَسْمَا وَالْصِفَاتِ إِلَّا فِي إِسْمِ الرَّحْمَنِ خَاسَةً » Et on n'a pas trouvé chez les mushrikins qu'ils ont réfuté des noms ou des attributs d'Allah Azza wa Jal, si ce n'est le nom Ar-Rahman. طيب. Et Aslan, à l'époque du prophète Aslan, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ar-Rahman, qui s'était fait appeler Ar-Rahman, et qui était au Yémen. Et eux, quand il a dit, selon certains exégèses, ils disent que lorsqu'ils ont réfuté Ar-Rahman, ils voulaient parler de Hadha Shakhs. Genre, Ben Hadha Ar-Rahman, هذا تقصد Ar-Rahman في اليمن ما نؤمن به. Certains ont dit ça. Mais le sahih, c'est qu'ils ont bien réfuté le nom d'Allah Ar-Rahman, mais sans toutefois réfuter la véracité de son nom. C'est-à-dire que c'est un inkar qu'ils ont fait, c'est un refus contradictoire. Un refus contradictoire. طيب قال الإمام ابن كثير والظاهر أن إنكارهم لاسم الرحمن إنما هو من باب التعنت والرد, وإلا فقد وجد في أشعار الجاهلية ما يثبت اسم الرحمن لله كما قال الشاعر وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. Donc l'imam Ibn Kathir, il dit ce qui apparaît, c'est que ils ont réfuté Ar-Rahman d'une manière désespérée. D'une manière désespérée et en guise de réfutation. Tamam. Mais sinon, il y a bien des poésies qui datent de l'ignorance où les mécréants avaient l'habitude ils avaient l'habitude d'évoquer le nom d'Ar-Rahman, comme dans cette poésie qu'a cité l'imam Ibn Kathir, wama yasha Ar-Rahman, et ce que veut Ar-Rahman ya'qidu wa yutliqu, ça se ferme ou ça s'ouvre. Tamam. ولم يعرف عنهم إنكار شيء من الأسماء إلا في اسم الرحمن خاصة. وهذا النوع من التوحيد أي توحيد الأسماء والصفات لا يكفي للإيمان والإسلام ولا يدخل الإنسان في الإسلام حتى يقر بلازمه وهو التوحيد الألوهية. Donc, en gros, les mécréants de Quraysh, ils ont bel et bien cru aussi au tawhid des Asma wa Sifat, des noms et des attributs. Ils ont juste réfuté le nom Ar-Rahman, mais même encore, cette réfutation n'était pas due à une croyance. Tamam. À la kulli hal, vous retenez que même le tawhid des Asma wa Sifat, il ne suffit pas à la personne pour le faire pénétrer dans la sphère de l'islam. Et que la personne, elle ne peut pas se contenter de cette croyance pour dire qu'elle rentre dans l'islam. C'est-à-dire, مُلَخَصْ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ وَحْدَهُ لَا يُدْخِلُ الْمَرْءِ فِي الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودِ فِي إِنْزَالِ الْكُتُبِ وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ إِنَّمَا الْمَقْصُودِ وَالْغَايَةِ هُوَ التَّوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ. Donc vous retenez que dans cette première qa'ida, comme quoi le fait de croire au tawhid al-rububiyyah ne fait pas rentrer la personne dans l'islam. Et que cela n'est pas le but visé par la descente des livres et l'envoi des messagers. Car le but visé, le but primordial, n'est autre que le tawhid al-rububiyyah. Wa ilahuna wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.